Sahara s'éteint au pays de la promesse, avant même que tout ne s'accomplisse. Abraham pleure dans la poussière, ce qui fut sa compagne et son délice. Mais même au milieu de la mort, il parle déjà d'héritage et de terrain. Il achète un champ pour y semer une espérance plus loin que le chagrin. La foi prépare l'avenir, même au bord de la tombe. Nous cachons nos morts dans l'espérance, pas seulement dans la poussière, car même dans le champ du deuil, tu sèmes déjà la lumière. Nous cachons nos morts dans l'espérance, en attendant le jour promis, où la mort pliera devant la vie, et l'adieu deviendra un cri. Le chant de Macpéla devient un signe d'un avenir qui n'est pas éteint, car celui qui achète pour enterrer achète aussi pour demain. Et même dans nos funérailles, tu parles encore d'héritage, car la promesse ne s'éteint pas quand la chair ferme son visage. Cachons nos morts dans l'espérance, pas seulement dans la poussière, car même dans le champ du deuil, tu sèmes déjà la lumière. Nous cachons nos morts dans l'espérance, en attendant le jour promis, où la mort pliera devant la vie, et l'adieu deviendra un cri. Cachons nos morts, cachons nos morts.